Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'aube. Wa layalin 'ashr. Et par les 10 nuits. Wa ash-shafi wal watr. Par le père et l'impère. Wa al-layli idha yasr. Et par la nuit quand elle s'écoule. Hal fi dhalika qasamun li dhi hijr. N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Aad? Iram dhat al-imad. Avec Iram, la cité à la colonne remarquable. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes. Wa thamud alladhina jabu as-sakhr bil wad. Et avec les Tamouds qui taillaient le rocher dans la vallée. Wa fir'aun dhil autad. Ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays. Et y avaient commis beaucoup de désordres. Donc, ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment. Inna rabbaka labil mirsad. Car ton Seigneur demeure aux aguets. Fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». كلا بل لا تكرمون اليتيم. Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. ولا تحاضون على طعام المسكين. Qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. وتأكلون التراث أكلا لما. Qui dévorait l'héritage avec une avidité vorace. وتحبون المال حبا جما. Et aimer les richesses d'un amour sans borne. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée. Et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang. Et que ce jour-là on amènera l'enfer, ce jour-là l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui châtie. ولا يوثق وثاقه أحد. et nul ne sera garrotté comme lui garrotte. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah. Ô toi, âme apaisée. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Fadkhuli fi 'ibadi. Entre donc parmi mes serviteurs. Wadkhuli jannati. Et entre dans mon paradis.